19h30, c'est le moment de découvrir le nouveau magazine d'archéologie de France Culture. Après moult réflexions, hésitations, après avoir songé à Chez Sapiens, Silence on fouille, Si j'étais archéologue, voir les improbables passés en croûte ou les rustines de l'histoire, nous nous sommes arrêtés sur un isotope, synonyme du temps long, très long. Chers auditeurs, bienvenue dans le Carbone 14. Au cœur des laboratoires, entre archéologie de terrain et de salon, chaque samedi à 19h30, réactif à défaut d'être radioactif, nous explorerons les coursives du passé. 7 millions d'années, tel est le champ d'investigation de Carbone 14, des premiers australopithèques, au temps le plus récent. Justement, à l'heure où le gouvernement britannique se divise sur l'ampleur du Brexit, les archéologues d'outre-Manche, comme bien d'autres, s'inquiètent des conséquences de ce phénomène isolationniste. Mais au fait, ce British Exit est-il réellement nouveau et fut-il le premier ? Assurément pas. Pour découvrir les liens, mais surtout les ruptures archéologiques entre les îles britanniques et le continent, je me suis rendu rue de Richelieu à Paris pour y entrevoir Nathan Schlanger, professeur à l'École des Chartes. Mais tout d'abord en Normandie, c'est dans le baraquement d'un chantier de fouilles, à quelques kilomètres de Caen, Cléon exactement, que j'ai rencontré Vincent Carpentier, archéologue médiéviste à l'INRAP, et Cyril Marcini, spécialiste de l'âge du bronze. Cyril Marcini, l'Angleterre est aujourd'hui une île, elle ne le fut pas toujours. L'insularité britannique serait toutefois d'ailleurs assez récente dans l'histoire de l'homme. L'insularité de la Grande-Bretagne date d'environ entre 13 000 et 9 000 avant notre ère, c'est l'Holocène. Avant, la configuration de ce bout d'Europe est complètement différente, puisqu'on a une grande vallée, la paléo-vallée de la Seine, et puis deux régions, l'une en face de l'autre. L'Angleterre d'un côté, l'équivalent de la France de l'autre. Donc on pourrait dire, en exagérant un peu, que le premier Brexit britannique serait né justement avec ce réchauffement climatique ? Tout à fait. Le premier Brexit est lié au réchauffement climatique et à ce début d'histoire séparée, qui sera ponctué par la suite de retours d'alliances. Donc, si je comprends bien, les sociétés de la fin du paléolithique, ou un peu plus récentes, se retrouvent complètement isolées sur la grande île d'Angleterre et vont vivre quelques instants de manière non connectée au continent ? Pas entièrement non connectée au début, puisqu'en fait, on a des choses qui sont assez similaires pour certaines périodes du mésolithique, avec des types d'armatures, ces fameuses petites pointes de flèches sur lesquelles travaillent les mésolithiciens, qui sont similaires dans plusieurs régions anglaises ou françaises. Vers 4000, l'Angleterre, qui est restée en marge de cette vague de néolithisation, va enfin commencer, enfin, c'est une vision un peu péjorative, va être néolithisée en tout cas, va changer son mode de production et passer à un mode de production beaucoup plus sédentaire, etc., avec une économie qui ne repose plus uniquement sur la chasse et la pêche. Et c'est à partir de cette époque que les liens vont commencer à se tisser à nouveau, puisqu'on va avoir certains faciès céramiques qui vont être similaires, en particulier dans le nord de la France, avec le sud de l'Angleterre. Même dans les types de construction ou de monuments funéraires, on va avoir des liens, avec toutefois, quand on regarde assez finement la chronologie, un petit décalage, comme si les choses mettaient du temps à s'installer, en fait, du côté britannique. Un décalage qui peut parfois couvrir presque un demi-millénaire. Vincent Carpentier, le retard insulaire, c'est une chose qui s'étudie ? Alors, retard insulaire, effectivement, c'est une façon de voir les choses qui, en elle-même, déjà se discute, puisque c'est une comparaison, le disait Cyril tout à l'heure, un peu péjorative par rapport au continent. Ce qui est certain, c'est que ce sont deux espaces, l'espace insulaire et l'espace continental, qui évoluent de façon différente et des dynamiques différentes, mais toujours en synergie. Il faut voir un petit peu ce qui se passe sur les deux espaces et ensuite comprendre pourquoi les relations se font ou ne se font plus. Brexit, vous le disiez, c'est un sujet d'étude à part entière. Pour le paléolithique, pour les périodes, il y a avant 10 000 ans, on sait que à partir du 70e parallèle, il y a une sorte de décalage, et donc lié forcément au climat. Il est bien plus difficile de s'implanter au-delà de ce 70e parallèle qu'en dessous. Donc les raisons seraient bien sûr climatiques. Est-ce qu'après les raisons seraient aussi climatiques ou elles seraient plutôt culturelles ? Ce 70e parallèle, c'est quelque chose d'important, puisqu'en fait, voilà, c'est une barrière réelle qui repose bien entendu sur des problèmes de climat. Une fois que les gens vont avoir passé cette barrière, où le climat va s'adoucir en fait au-dessus du 70e parallèle, les choses vont pouvoir être un tant soit peu similaire. Mais là encore, les trajectoires sont quand même assez différentes. Les choses évoluent sur place. Enfin, voilà, on n'est pas encore sur des populations qui sont strictement en synergie avec les mêmes choses de chaque côté. Ce qu'on découvrira plus tard, en gros, à partir de la fin du troisième millénaire, où là, on sera encore dans un autre type de monde. Durant toute la phase néolithique, on est quand même dans un processus qui est un peu différent, où on retrouve des traits similaires, avec ce petit décalage dans le temps, et puis des évolutions sur place, quoi. Nous parlions tout à l'heure du néolithique vers 5000, 4000, peut-être même 3000. Il y a quand même des traits communs entre cette partie de la France et l'Angleterre. Je pense bien sûr au phénomène des menhirs, des dolmens. On voit la même chose des deux côtés. Oui, le mégalithisme anglais va se développer un tout petit peu, encore une fois, après le phénomène français, hein, de la façade atlantique. Hein. Mais on va retrouver des monuments un peu similaires, avec probablement aussi des allers-retours durant le quatrième millénaire, des choses qui vont être peut-être beaucoup plus exploitées dans le domaine britannique, comme les constructions en mode de gazon, etc., et des choses qu'on va retrouver à nouveau en France. Enfin, voilà, il y a sûrement des échanges sur des techniques architecturales durant cette période. On retrouve la même chose sur les constructions des maisons, hein, où on va avoir des phénomènes qui se ressemblent. Mais là encore, il y aura toujours un décalage. Voilà. C'est pas aussi simple que... Faut pas imaginer un monde vraiment très interconnecté quand même. Voilà. On pouvait passer la Manche facilement en bateau ? Ou est-ce que c'était lié à des expéditions périlleuses ? Alors là, il y a plein de propositions qui ont été faites, en particulier par les chercheurs britanniques, je pense en particulier à Alison Sheridan. On a voulu dessiner des grandes trajectoires traversant la Manche, en particulier le département de la Manche, par exemple, en direction du Pays de Galles, puisqu'on avait des choses qui se ressemblaient. Ces grandes traversées, j'ai encore du mal à y croire. C'est quelque chose qui est quand même assez dangereux. Il y a des courants très très forts en Manche. Par contre, on peut passer aisément du côté du nord. Enfin, voilà, nord de la France, sud de l'Angleterre, là, ça devient assez simple. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a vraiment des choses très très similaires, en particulier au niveau des faciès céramiques. Il y a aussi, puisqu'on parlait du mégalithisme, Karnak pour la France et Stone Age pour l'Angleterre. Ouais, là, il y a un gros décalage chronologique. Mais c'est possible que les traditions bretonnes aient inspiré Stone Age, bien entendu. Non, je plaisante. Non, Stone Age, c'est un monument qui se développe à la fin du néolithique, alors que Karnak, on va se placer dans les premiers temps, hein, du néolithique atlantique. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Après, oui, dresser des pierres, c'est des choses qui commencent à se développer au cours du cinquième millénaire et qui vont perdurer comme ça assez longtemps dans le temps. Cyril Massé, j'en profite pour parler un peu de Stone Age, qui est un site quand même assez exceptionnel, où on fait encore de nombreuses découvertes, semble-t-il, qui est chargé d'un fort mysticisme druidique contemporain, une sorte de temple solaire totalement fantasmatique. Oui, bah c'est un monument qui doit être un sanctuaire, comme on en connaît d'autres à cette époque-là en Europe. Hein. On rentre dans un nouveau processus culturel à la fin du troisième millénaire, avec des grands sanctuaires, donc Stonehenge, mais aussi on peut penser au Valcamonica par exemple, dans un autre style. Hein. Et ces grands sanctuaires vont drainer une population à l'échelle européenne et vont participer d'un nouveau mouvement en fait qu'on peut qualifier d'européanisation, hein, où les populations vont se brasser. Et là, on va vraiment avoir une synergie qui va se développer au niveau des contacts transmanches entre au moins une bonne partie du nord de la France et l'Angleterre. Alors, vers 1500 avant notre ère, les temps ont totalement changé. Voici le sud de l'Angleterre totalement intégré dans un vaste ensemble, une vaste entité culturelle continentale. Pas continentale. Manche-mer du Nord. Attention. Oui, là, il y a quelque chose qui se développe. Hein. Voilà, il y a un groupe qu'on qualifie de Manche-Mer du Nord, le MMN, qui se met en place probablement un tout petit peu avant 1500, hein, qui va perdurer sur quasiment tout l'âge du bronze, hein, avec des choses vraiment là pour le coup très très similaires de chaque côté, hein, de la Manche, hein, aussi bien dans les pratiques architecturales que dans les pratiques agraires. On va avoir l'apparition de parcellaires de chaque côté à la même période, même les recettes carpologiques, les graines en fait vont être les mêmes de chaque côté. Hein. Dès qu'il y aura un changement dans ces cortèges de graines, et ben on aura des mouvements similaires en Angleterre. Donc, voilà, c'est une population qui est quand même très très liée, et c'est une période aussi où on connaît des bateaux, hein, donc il y a des choses qui circulent beaucoup plus qu'auparavant sur la Manche. Oui, mais ça quand même nécessite des liens très très forts, une même entité quasi culturelle de chaque côté. Oui, moi je reste persuadé qu'on a affaire à un même groupe culturel. On le sent très bien à travers certaines productions manufacturées, la céramique principalement. On le sent un peu moins sur le métal, mais c'est voilà, le bronze moyen, c'est une période où on reproduit à petite échelle les fameuses écoles métallurgiques. Voilà, donc il y a des différences. Mais en tout cas, si on reste sur de la production céramique, ou sur les pratiques agraires, par exemple, parce que je vous disais, on est vraiment sur les mêmes populations. Qu'est-ce que l'on échange de chaque côté des deux rives de la Manche? Très probablement ce métal, justement. Le grand changement entre le néolithique et l'âge du bronze, c'est les matériaux. Au néolithique, le matériau principal, c'est la pierre, c'est le silex. On en trouve à peu près partout. Même dans le massif armoricain, on en a sur les côtes. Donc on peut avoir un matériel accessible à petite échelle. À partir du moment où on va rentrer dans l'âge du bronze, il va falloir changer son échelle d'appréhension. Pour les matériaux, il va falloir récupérer du cuivre, de l'étain. Il va falloir du coup tisser des relations à longue distance. Et c'est probablement ce besoin qui a mis en place ce phénomène d'européanisation dont je vous parlais. Et le cuivre et l'étain, on le retrouve en Angleterre? Le cuivre et l'étain, on l'a en Angleterre. C'est un matériau qui est exploité au Pays de Galles, en Cornouailles. Voilà, c'est un des gros pourvoyeurs de matériaux. C'est pas le seul à l'échelle de l'Europe, loin de là. On a la même chose en Allemagne, on a aussi ça en Espagne. En tout cas, c'est un des moteurs importants de ces populations. Est-ce que l'on peut parler réellement d'un commerce maritime durant cet âge du bronze, il y a environ donc 3 500 ans? Oui, parmi les découvertes, en tout cas anglaises, on a des épaves de bateaux avec des contenus d'épaves, avec des objets pour certains fabriqués sur le continent. Donc voilà, il y a un commerce qui se met en place à cette époque-là. En Normandie, tout près d'ici, ou à Sotteville-lès-Rouen, en mer, a été trouvé un torque, par exemple, en or, qui est de fabrication anglaise. Peut-être d'une épave aussi. Ah, voilà, on a des objets qui circulent et un commerce qui se met en place. Et c'est ça qui va commencer à souder ces deux régions, au-delà des aspects culturels. Il y a aussi l'épave de Douvres qui est visiblement très importante et qui date à peu près de cette époque. Ouais, l'épave de Douvres, il n'y a pas de matériaux. On n'a pas le contenu de ce bateau. Par contre, c'est un bien beau bateau. La fouille est incomplète, mais on a une épave qui a fait l'objet de travaux d'expérimentation dernièrement, à une échelle plus petite. Mais voilà, c'est un bateau qu'on a tenté de remettre à flot. Et c'est probablement un des bateaux qui a pu circuler sur la Manche. Bien que là, il y a encore pas mal de questions sur cet aspect-là. Mais c'est pas le seul bateau. On en connaît des bien plus beaux, un peu plus au nord, dans la région de Ferriby, où là, il y a 3 ou 4 épaves qui ont été découvertes, plus anciennement d'ailleurs, dans les années 30. Des bateaux du même type, des bateaux sans voile, des bateaux qu'on maniait à la pagaie. Un bateau de planche calfeutré à la cire d'abeille, c'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, on a des techniques de construction qui sont clairement héritées des périodes précédentes. Les bateaux de peaux qui étaient cousus, on a juste remplacé ces peaux par du bois. Donc c'est de la planche bord à bord, véritablement cousue, c'est tissé avec des fils. L'ensemble est après calfeutré avec de la mousse, différents mélanges pour assurer l'étanchéité du bateau. Vous, personnellement, Cyril Marcini, vous pensez que ce bateau aurait pu franchir la Manche ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un bateau de rivière? En fait, la découverte de ces bateaux pose encore problème. Voilà, que ce soit les bateaux de Ferriby ou les bateaux de Douvres, on est dans un secteur où voilà, il y a un accès aussi à un fleuve. C'est des bateaux à fond plat. Enfin, voilà. En mer, c'est peut-être un peu délicat. Il faut essayer. On perdra peut-être des gens, mais il faudra essayer. Vous avez trouvé des objets donc anglais, entre guillemets, sur vos fouilles en Normandie? On ne peut pas dire des objets anglais, mais des objets qui appartiennent à cette tradition Manche-Mer du Nord, oui. Lors d'une de mes toutes premières fouilles, quand j'étais encore un jeune enfant, à Tatiou, les céramiques découvertes étaient les mêmes que celles connues dans le sud de l'Angleterre. Strictement les mêmes. Même décor. Voilà. On a des objets qui signent un faciès culturel plus qu'autre chose. Après, on a certaines céramiques, en tout cas, qui arrivent chez nous, qui appartiennent à un groupe culturel qui s'appelle le Trévisqueur, où les pâtes utilisées sont très très proches de celles de Cornouailles. Donc on a peut-être des produits importés dans certains récipients, mais ce sont des découvertes qui sont un peu anciennes, qui sont des années 90, on n'a pas étudié exactement ce que pouvaient contenir les vases. Enfin, voilà, il y a tout un champ d'études à développer autour de ces céramiques. Et est-ce que vous voyez des cassures, des ruptures de liens commerciaux? Un phénomène isolationniste? Un premier Brexit, au-delà de la Paléo-Palais. Oui, pas à l'âge du bronze, mais avant. Il y a une cassure dans les liens avec l'Angleterre autour de 3005 avant Jésus-Christ. Les choses se séparent, les façons de faire anglaises et les façons de faire françaises vont être totalement différentes. On va avoir des matériaux français qui ont du succès à l'époque, comme le silex du Grand Pressigny, qui était développé à la produit et distribué à large échelle en Europe, qui vont pas aller en Angleterre, voilà, alors qu'on n'est pas loin. Donc là, je pense qu'il y a une cassure probablement économique. Le lien s'est distendu pour des raisons qu'on connaît pas. On peut peut-être y voir encore des problèmes liés au changement climatique, puisqu'on est à nouveau dans une période de péjoration climatique. Vincent Carpentier, n'est-il pas plus facile pour les archéologues de voir les liens transmanche que les ruptures de ces liens ? Tout à fait, puisque l'archéologie révèle les tendances de fond de l'histoire, à une échelle de temps souvent beaucoup plus importante que celle de l'histoire événementielle. Et donc cette échelle de temps et la nature aussi des vestiges, soit des traces de construction, des objets, etc., démontrent surtout la pérennité des relations, la pérennité des échanges, y compris dans des contextes agités, contextes violents, où finalement les épisodes de guerre marquent assez peu le paysage et le sol. Vous, dans l'histoire, la grande protection à laquelle on pense en Angleterre, c'est bien sûr forcément le mur d'Adrien contre les invasions pictonnes ou autres. Oui, alors c'est l'un des éléments, je dirais, territoriaux, de délimitation territoriale, les plus conséquents qu'on puisse connaître. Ils apparaissent avec l'Empire romain, qui a cherché vraiment à définir ses frontières, y compris sur le continent. D'ailleurs, le limès était jalonné de fortins, de garnisons, etc. Bon, ça a été inefficace, l'histoire l'a prouvé. Ça marche généralement pas très longtemps, de toute façon, toute époque confondue, ces systèmes de murs. Ce qui est certain, c'est que ces éléments, s'ils sont des nouveautés de par leur ampleur, et l'homogénéité du système politique qui les sous-tend, reprennent généralement des structures antérieures, donc des murs proto-historiques qui ont déjà été élevés à l'échelle de territoires plus réduits. Donc là encore, l'archéologie met en évidence surtout des rémanences, des permanences plutôt que des ruptures définitives. Le but, c'est toujours le même, c'est contrôler les flux migratoires. Évidemment, dans l'actualité, une résonance particulière sur laquelle l'archéologue n'a pas lieu de s'interroger d'emblée, puisque les flux, c'est aussi des flux de marchandises. C'est indissociable, flux de marchandises, flux de personnes pour ces époques. L'avion arrivera beaucoup plus tard. Donc le vecteur de communication entre le monde insulaire et le continent, ce sont les bateaux. Et donc les ports où ils accostent et d'où ils partent sont des lieux extrêmement importants qui vont assez rapidement apparaître comme des priorités en termes de contrôle pour les puissances qui s'approprient l'espace. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Est-ce que l'Angleterre a essayé de faire, à l'image de ce qu'elle a fait dans le nord, le mur d'Adrien, une protection aussi de sa frontière sud, le long de la Manche ? Alors il existe, au IIIe siècle de notre ère, un système défensif qui est formé de fortins reliés par des voies. D'une part sur le continent, on l'appelle le Litus Saxonicum, le rivage saxonique, le rivage lié à la défense contre les Saxons, les Francs, les Saxons étant les premiers pirates qui infestent cet espace de la Manche, la mer du Nord, et son pendant insulaire sur la côte sud de l'Angleterre. Alors ces sites sont globalement assez bien répertoriés, en revanche ils sont d'une interprétation parfois difficile, en tout cas ils restent relativement obscurs, puisqu'ils ont continué d'être utilisés et donc reconstruits très longtemps, parfois jusqu'à l'époque contemporaine. Et est-ce qu'il existait aussi la même chose côté Normandie ? Oui, alors un certain nombre de sites sont assez bien renseignés par un document exceptionnel, la table de Pottinger qui les représente, avec un certain nombre d'éléments héraldiques permettant d'identifier des garnisons, enfin un système de pouvoir organisé à l'échelle de l'Empire. Et on sait d'autre part que les personnages qui étaient en poste, les grands officiers militaires qui étaient en poste affectés au contrôle, à la défense de ce litus, de ce rivage, sont devenus pour certains d'entre eux de grands personnages politiques de premier plan, à l'exemple de Carodus, qui, à la fin, toute fin du IIIe siècle, il est donc l'amiral de la Classis Britannica, de la flotte britannique, basée à Boulogne, et qui contrôle la Manche, eh bien, traverse vers la Bretagne et puis se fait proclamer empereur. Ça ne durera pas 10 ans, il sera renversé par la suite, mais enfin, cet épisode très court montre bien qu'il existe non pas un isolationnisme, mais une différence territoriale très marquée et que certains ont voulu exploiter tout au long de l'histoire entre le continent et les îles britanniques en raison du problème que représente la traversée. Est-ce que tout au long de l'histoire, puisque vous êtes médiéviste, vous voyez ces rétractations insulaires dans l'histoire de l'Angleterre ? Alors le problème, encore une fois, à mes yeux, est l'idée d'une rétractation. puisque je pense que ces deux espaces, au moins pour les périodes historiques, ont toujours été en synergie. Simplement, leurs histoires internes, les dynamiques internes qui régissent cette histoire sont assez souvent distinctes. Donc il y a quelquefois un pas de temps qui peut s'étendre sur une durée assez longue, un siècle, voire plus, entre l'apparition d'un phénomène dans l'un des deux espaces et puis sa conséquence dans l'autre. Mais ce sont deux histoires tout à fait imbriquées l'une dans l'autre et dont la compréhension mutuelle nécessite une documentation équivalente. Voilà, c'est ce que fournit l'archéologie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le Brexit qui vient d'avoir lieu cet été pourrait laisser des traces pour les archéologues ? Alors, je dirais que c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, de savoir ce qui va se passer maintenant. Nous vivons dans un monde globalisé, avec des structures de production économique, des structures d'habitat et des systèmes culturels extrêmement similaires. En dépit du Brexit, je crois que la Grande-Bretagne reste avant tout une nation européenne. Professeur à l'École des Chartes, Nathan Schlanger, vous êtes un très bon observateur de la recherche européenne et notamment britannique, l'Angleterre, où vous avez d'ailleurs fait votre doctorat à Cambridge et votre postdoctorat à Oxford. Quelles vont être les conséquences du Brexit pour les archéologues en tant qu'acteurs économiques ? En premier lieu, le Brexit aura des conséquences inattendues. On sait qu'elles seront négatives en général, mais on ne sait pas dans les détails dans quelle modalité elles prendront. Les archéologues sont en Angleterre des acteurs économiques. 80% des archéologues sont employés en rapport avec l'aménagement du territoire. Et certainement, les réductions d'investissements qui sont prévues dans les années à venir, dans les grands projets notamment, l'extension de l'aéroport de Heathrow ou encore le chemin de fer qui va mener de Londres au nord, ces projets-là n'auront probablement pas lieu et donc ne nécessiteront pas les quelques milliers d'archéologues qui étaient prévus. Les archéologues polonais qui travaillaient en Angleterre vont partir ? On craint fortement que la mobilité des archéologues, des professionnels européens va se réduire fortement et avec cela donc une perte de compétences qui sera dommageable pour l'ensemble de la profession en Angleterre comme ailleurs. Est-ce que ce Brexit ne va pas créer surtout de la précarité ? Effectivement, les conditions d'emploi des archéologues anglais qui sont déjà pas bonnes, dans la mesure où les archéologues anglais sont parmi les moins bien payés des graduates de leur pays, risquent effectivement de se précariser davantage. Il y aura moins de projets de construction et une lutte plus acharnée pour des prix plus réduits. On se souvient des années Thatcher, qui avaient été des années particulièrement sombres pour les sciences sociales et notamment pour l'archéologie. Oui, les années Thatcher, donc la décision en 1990 d'ouvrir l'archéologie à l'activité professionnelle commerciale a eu des conséquences à long terme. Certaines positives, beaucoup plus d'archéologie a été faite en effet, et beaucoup négatives, la protection du patrimoine est essentiellement gérée par les contraintes et les conditions que pose l'aménagement du territoire et donc les aménageurs avec leurs intérêts économiques à eux. Est-ce que l'on peut penser que le Brexit aura des conséquences aussi pour le patrimoine britannique ? Tout à fait. D'abord, il y aura moins de recherche qui va être faite. Hein. L'ensemble de la recherche anglaise risque tout à fait de se réduire en taille du fait de son incapacité d'obtenir des financements européens, qui compte pour l'instant pour la moitié des financements de recherche anglaise. Il est aussi possible que le patrimoine, l'archéologie, les monuments vont être teintés d'une sorte d'insularisme et vont être considérés par certains comme faisant partie justement de cette justification de Little England, de cette île qui risque graduellement de sombrer dans un nationalisme, une xénophobie. Donc il y aura peut-être de la part de la communauté des chercheurs, des universitaires, une réticence à produire, à donner des éléments de réflexion, des éléments de démonstration pour des secteurs plus conservateurs et xénophobiques de la société anglaise. Sur le plan scientifique, on sait que la moitié des budgets anglais vient de l'Europe. Les conséquences vont être dramatiques, donc. Absolument. L'Angleterre, enfin la recherche britannique et anglaise, s'est très bien débrouillée pendant la dernière génération à être présente en Europe, notamment en s'assurant que c'est la langue anglaise qui est la langue de travail de tous les projets européens, et en tirant bon profit, tirant ses marrons du feu des investissements européens. Donc la moitié à peu près du budget de recherche en Angleterre provient de sources européennes. Clairement, actuellement, c'est la panique et l'incertitude auprès du monde universitaire scientifique, à la fois au niveau des étudiants, l'enseignement, Erasmus, les échanges et ainsi de suite. Les enseignants qui sont pour une grande partie de nationalité étrangère, soit européenne, soit extra-européenne. Et évidemment, pour ce qui est des projets de recherche, où naturellement, quand des projets de recherche compétitifs sont présentés au programme Horizon 2020, par exemple, la présence d'un partenaire anglais, du coup, devient une faiblesse, devient une source d'incertitude qui fait qu'il y a une autocensure et que l'on demande de moins en moins, on sollicite de moins en moins les partenaires anglais dans les projets européens. Pourtant, Cambridge et Oxford sont les très très grandes universités européennes, donc elles vont garder tout leur pouvoir. C'est des très bonnes universités anglaises. Elles vont certainement, à l'échelle anglaise, retenir leur prééminence. Et elles vont effectivement peut-être s'investir davantage dans des projets, dans des collaborations, dans le domaine extra-européen, notamment en Asie, aux États-Unis, avec d'autres partenaires et aussi d'autres étudiants qui, eux, payent plein pot les frais d'enseignement. Le Brexit n'aura peut-être aucune conséquence ? On peut espérer, mais la situation est telle en Angleterre. L'Angleterre actuellement, je parle d'Angleterre, hein, pas la Grande-Bretagne, est dans une situation extrêmement délicate. Après la crise de 2008, donc des mesures d'austérité, une réduction assez dramatique du poids de l'État dans le produit intérieur brut, donc de 35% plutôt que les 45% qui sont la moyenne européenne. Et l'État anglais se réduit et fait des économies qui sont évidemment aux dépens de secteurs tels que le patrimoine et l'archéologie. Jusqu'à présent, cette stratégie était jouable. La dévolution des compétences et des responsabilités vers les autorités locales était jouable tant qu'il y avait ce chapeau européen, cette possibilité de faire recours aux directives environnementales ou d'agriculture commune à l'échelle européenne. Dès que ces directives-là sont dans l'incertitude, je crains beaucoup que le système risque de s'effondrer et de ne pas pouvoir durer sur le long terme. Le patrimoine et l'archéologie vont-ils être abandonnés ou tout au contraire être utilisés à des fins, disons-le, nationalistes ? Je pense que l'archéologie et le patrimoine, qui n'étaient déjà pas une grande priorité du gouvernement conservateur actuel ou précédent, risquent de se trouver dans une fourche. D'un côté, moins de financement, moins d'intérêt, puisqu'on va survaluer la possibilité de se débarrasser de ce patrimoine encombrant pour mieux construire, mieux aménager. Et d'un autre côté, il risque d'y avoir des éléments qui vont au contraire chercher à le valoriser, mais peut-être d'une façon nouvelle. Cette valorisation ne sera pas dans un sens générique, scientifique, culturel, mais peut-être dans un sens beaucoup plus nationaliste, pour la glorifier, confirmer cette espèce d'état d'indépendance et de singularité, d'exception insulaire que représente l'Angleterre. Et beaucoup d'archéologues ne seront peut-être pas prêts à jouer ce jeu-là, et donc la discipline va graduellement s'éroder et s'effondrer. Nathan Schlanger, chez nous, on a les Gaulois. Qu'est-ce qu'ont les Anglais comme symbole nationaliste ? Les Anglais ont Stonehenge. Et Stonehenge est précisément, ces jours-ci, dans le collimateur de problématiques entre l'aménagement du territoire, la construction d'une route. Vous savez qu'il y a une route qui est à 50 mètres du monument. Il y a un site, donc, patrimoine mondial, qui soulève des questions. Est-ce que l'aménagement du territoire peut primer sur certaines règles de protection, d'intégrité et d'authenticité du bien, telles que voulues par l'UNESCO ? Le cas de Stonehenge est significatif aussi parce que le coût d'investissement est fait dans le tourisme. Et le tourisme et l'aménagement du territoire sont des choses qui vont être fragilisées par le Brexit. Mobilité des personnes, financement, investissement européen. Et donc il risque d'y avoir un moment où moins de visiteurs à Stonehenge vont nécessiter la fermeture éventuellement du site ou bien son réaménagement pour augmenter le tourisme aux dépens de sa valeur scientifique et patrimoniale. Quelques jours après le vote du Brexit, Béatrice de Cardy, doyenne mondiale de l'archéologie, s'est éteinte à Londres. Née en juillet 1914, elle avait été la secrétaire de Sir Mortimer Wheeler en 1930, avait œuvré en Iran juste après-guerre et entreprenait toujours des recherches dans l'émirat de Ras Al Khaimah. Béatrice de Cardi était la grande figure de l'archéologie britannique et je tenais à lui rendre hommage. Carbon 14, en partenariat avec l'INRAP et la revue Archéologia, était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Pascal Bénard avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. La semaine prochaine, Carbon 14 se consacrera aux grands et petits enjeux de l'anthropologie.